vous mes amis, tant de fois vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Alors si vous pouvez, dites-le-moi. Qui saura, qui saura, qui saura. Toujours sans réponse. Qui saura, qui saura, qui saura. Qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, qui saura. Qui saura, qui saura, qui saura.